la jungle. De chez lui pour trouver à manger au milieu de la nuit. Fais bien attention car le danger te guette. Sache que les buissons sont surveillés par les chouettes. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Si y'en a un qui t'épingle, eh ben t'es mort. Petit oiseau, battez fort des ailes pour trouver à manger là-haut dans le ciel. Voyant le vermisseau, la menace s'abat. Il le serre comme un étau direction l'estomac. La loi de la jungle, la loi du plus fort. Si y'en a un qui t'épingle, Eh ben, t'es mort. Jump, pour ta survie. Rampe, pour sauver ta vie. Petit vermisseau, l'oiseau te suit. Il était dans son bec, il était dans son corps. Il était dans son bec, il était dans son corps. Il était dans son bec, il était dans son corps. Il était dans son bec et il était dans son corps. Dans son bec, dans son corps, dans son bec. Dans son bec, dans son corps, dans son bec, dans son corps, Eh ben, t'es mort. La loi de la jungle, la loi du plus fort. Si y'en a un qui